cacher. Je voyais mon avenir avec toi, t'as tout gâché. Avec le temps, tu regretteras, j'aurais tout fait pour toi. Oh, pour toi. Oh, pour toi. Oh, pour toi. Oh, j'aurais tout fait pour toi. Oh, pour toi. Oh, pour toi. Oh, pour toi. J'aurais pris des bastos pour toi, ouais, j'aurais sorti le matos. Ouais, à ma droite dans le gamos, gros bolide pour nous, pas de tacos. Ouais, ouais, t'étais une vraie gazelle avec un corps de fou. Tous les mecs qui te guettaient avaient la corde au cou. Ils font toujours l'accueil, y'en a encore beaucoup. Mais moi, je suis plus de la partie, je reporte mon tour. Tchè, tu m'as proprement sali. Mais quelle vie, maintenant les amis, les ennemis sont ta famille. Tu veux refaire le détail, tu reviens, mais quel bail, tu regrettes, tu dérailles, c'est le revers de la médaille. T'as tout gâché, je voyais mon avenir avec toi. T'as tout gâché, t'as tout gâché. Avec le temps tu regretteras, j'aurais tout fait pour toi. Oh oh oh, pour toi. Oh oh oh, pour toi. Oh oh oh, pour toi. Oh, j'aurais tout fait pour toi. Oh oh oh, pour toi. Oh oh oh, pour toi. Oh oh oh, pour toi. Quelques mois, tu te rappelleras de moi. Dans quelques mois, je me souviendrai plus de toi. Maintenant tu es loin de mes pensées. Pourtant j'étais prêt à tout dépenser. Y'a pas de marche arrière, j'suis sûr. J't'avoue quand nos regards se croisent, oui c'est dur. Mais toi t'as pas cru en nous. Laisse tomber, moi j'ai tourné la page et tout. Me parle pas de la vie des autres. Au fond tu sais très bien tout ce qu'elle dit, c'est faux. Tout ce que j'voulais c'était une vie de famille, mais toi t'as tout gâché, t'as tout gâché. J'voyais mon avenir avec toi, t'as tout gâché, t'as tout gâché. Avec le temps tu regretteras, j'aurais tout fait pour toi. Oh, pour toi. Oh, pour toi. Oh, pour toi. Oh, j'aurais tout fait pour toi. Oh, pour toi. Tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, t